Mosaïque. Aimables auditrices, auditeurs des émissions de la radio Isanganiro, bonjour ou bonsoir, en fonction de votre zone d'écoute. Vous nous captez sans doute en modulation de fréquence ou en live streaming au www.isanganiro.org. Bienvenue à vous tous à l'émission Mosaïque, débat sur l'actualité à la radio de l'avenir. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous revenons sur le dialogue inter-burundais. À la cabine technique, vous retrouvez Aimée Toussaint Mitebouzi pour la mise en onde. La réalisation est assurée par Medal Niyonguru et le débat est modéré par Jérôme Nyonzima qui vous en souhaite bon appétit. Mosaïque. Le 1er février 2019, à Arusha, en Tanzanie, le sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine a permis aux facilitateurs dans le conflit burundo-burundais, Benjamin William Mkapa, de présenter son rapport sur les différents rounds de pourparlers qu'il a pu faciliter. D'aucuns auront interprété ce rapport comme une démission du facilitateur dans cette tâche d'appuyer le médiateur Yoweri Kaguta Museveni. D'autres langues, cependant, diront qu'il ne s'agit pas d'une démission, mais bien d'une fin de mission lui confiée par la sous-région. De quoi s'agit-il au juste ? Est-ce une démission ou une fin de mission en soi ? Quel avenir pour le dialogue inter-burundais au regard de ce rapport du facilitateur Benjamin William Mkapa ? Quels espoirs ou craintes ce rapport suscite-t-il chez les acteurs politiques et de la société civile du Burundi ? Quelles sont les propositions pour la survie du dialogue inter-burundais aujourd'hui ? Pour en parler, au plateau de Mosaïque, quatre invités. Honorable Tassien Siwomana, porte-parole d'Amizero Yabarundi. Honorable, bonjour. Bonjour, je salue tous les auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue au débat Mosaïque. Merci de m'avoir invité. Kefani Wizi, président du parti, Sawane Frodebu Nyakuri, Iragijanda Daye. Bonjour Niwizi. Et bonjour, je vous remercie pour nous avoir invités et je salue tout le monde qui écoute. Encore une fois, bienvenue. Abdul Kassim, président du parti IPD Zigamiwanga. Kassim, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le débat Mosaïque. Merci beaucoup. Je salue également nos auditeurs. Notre invité, Faustin Dikoumana, représentant légal de la PARSEM. Dikoumana, bonjour. Bonjour. Bienvenue au débat Mosaïque. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup. Encore une fois, rejoignez le débat Mosaïque. Pour commencer, Kefani Wizi, président du parti Sawane Frodebu Nyakuri Iragijanda Daye. De quoi s'agit-il au juste ? Le rapport de Mkapa correspond-il à une démission ou une fin de mandat ? Effectivement, comme vous le dites, le 1er février 2019, le facilitateur dans le dialogue inter-burundais a présenté un rapport qu'il a donné au chef d'État de cette communauté d'ailleurs qu'il avait mandaté. Donner un rapport, je pense qu'il s'agit d'un acte normal, parce que quand on parle de démission, une démission est traduite par un acte de démission qui est soit une lettre, soit une déclaration ou un communiqué de presse qui devrait indiquer qu'il a démissionné. Et cependant, nous avons constaté effectivement dans ce rapport qu'il a énuméré beaucoup de défis auxquels il a dû faire face et qui n'a pas pu réussir son travail, peut-être parce qu'il y avait beaucoup d'entraves. À notre entendement, ce ne sont pas des entraves en tant que telles, mais c'était plutôt une mission qui était biaisée. C'était une mission impossible. Qui était biaisée parce qu'il était en train de vouloir solutionner une question qui a déjà trouvé une grande partie de sa réponse. Il forçait donc les portes ouvertes. Vous savez, et quand il faut faire intervenir la communauté internationale ou régionale dans un dialogue, et souvent, comme on le constate d'ailleurs à travers le monde, de telles organisations interviennent dans un pays où il y a soit une guerre, soit il y a absence, une vide constitutionnaire. Au Burundi, il n'y a ni guerre, ni vide constitutionnaire. Il n'y a même pas de conflit politique. Les conflits politiques, les différents politiques sont normaux parce que là où il y a toujours l'homme, il y a toujours des conflits. Les conflits ne se trouvent pas ici au Burundi uniquement, ça se trouve dans tous les pays, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, on peut trouver des différents des conflits politiques. Des conflits qui sont résolus souvent par des mécanismes internes. Il n'y a pas de crise politique. Ça, on l'a toujours dit ici au Burundi. On ne dirait pas qu'il n'y a pas de crise politique, à moins qu'on trouverait un expert qui nous donne des indicateurs de ce que c'est une crise politique. Cela étant, vous avez vu qu'effectivement, un facilitateur qui convoque, par exemple, une session de dialogue fin 2017 et toute l'année 2018 risque de se terminer sans convoquer une autre session, ça veut dire que lui aussi est conscient qu'il n'a pas de bureau. Et quand on regarde le temps que ce dialogue donc a pris, ce n'est pas une démission, c'est une fin de c'est une fin de sa mission, de sa façon bien sûr, parce que le chef d'état de l'EAC peut-être qu'il devrait prendre une décision qui va dans le sens de clore ce dialogue. Cela étant, ce n'a pas été le cas parce que la dernière session de dialogue inter-burundais est une session qui a été convoquée, je dirais, d'une façon irrégulière, parce que toutes les parties concernées n'ont pas été présentes. Quelles que soient les raisons, ce n'est pas peut-être le moment d'évoquer aujourd'hui les raisons. On devrait peut-être organiser une autre session où tout le monde devrait participer pour voir comment, à notre avis, ce n'est pas été même une fait parce que le sommet des chefs d'État a pris une décision qu'il y aurait une consultation entre les chefs d'État pour donner une orientation à ce dialogue. On ne peut pas croire à une fin. Mais si pour nous, on n'attend pas grande chose dans ce dialogue. Parce que vous venez de la permettre que j'avance vers l'honorable Tassien Simomana. Le rapport de Mukapa, est-ce une démission, est-ce une fin de mandat? Bon, je pense que c'est purement et simplement une démission. Parce que d'ailleurs, pour nous, ça n'a pas été une surprise parce que ça avait été déjà annoncé officiellement, du moins par le président Mukapa. Je ne sais pas si Kefa était là ou écoutait attentivement ce qu'il nous a dit lors de la quatrième session. Il avait dit clairement que les chefs d'État de la sous-région, y compris le médiateur lui-même, n'avait manifesté aucun engagement en faveur du dialogue. Quelle session vous étiez tous là? Peut-être qu'il n'a pas entendu. Kefa n'était pas là. Il se contentait de crier avec Jacques Consort pour gêner le facilitateur, justement. Probablement qu'il n'a pas écouté ce qu'il a dit. Sinon, il l'avait bel et bien annoncé. Parce qu'il se disait, il y a une partie au conflit, je parle du gouvernement, du CNDD-FDD et de leurs acolytes, qui ont toujours brillé par un manque de volonté, un manque d'engagement en faveur du dialogue. Ça, c'est Mukapa. Deuxième raison, ça c'est Mukapa et c'est aussi nous qui le disons et qui l'affirmons, parce que les faits sont têtus. Deuxième raison qu'il a invoqué même officiellement là aussi, il a dit, le médiateur, les chefs d'État qui m'avaient désigné comme facilitateur, n'ont rien fait pour m'aider afin de faire pression à la partie gouvernementale. Kefa a dit que c'était une mission pratiquement impossible. Ça, c'est Kefa qui le dit. Il faut savoir différencier la mission, le mandat et la démission. La mission, c'était laquelle? La mission qui avait été confiée et au médiateur et au facilitateur, qui est un personnage de second rang comparativement au médiateur. Donc, il ne détenait pas la clé de la bonne conduite du processus. Parce qu'il était second par rapport au médiateur. Le médiateur lui-même, dépendant du sommet des chefs d'État. Donc, vous comprenez qu'il y a une sorte de stratification pour dire que le facilitateur n'avait pas les mains libres pour conduire à bon port, comme il entendait le processus, sans l'intervention et du médiateur, et des chefs d'État qui leur ont confié le mandat. Il n'a donc pas abouti. Alors, c'est ce que je te disais, mm-hmm. Il n'avait pas peur d'affirmer que le médiateur et les chefs d'État n'ont rien fait pour l'aider à bien conduire le processus à bon port. Mm-hmm. Ça, c'est donc une deuxième raison qui l'a poussé à démissionner. Et enfin, il nous a dit, la démission avait été présentée lors de l'avant-dernier sommet. Vous vous rappelez très bien que les chefs d'État l'ont supplié pour ne pas démissionner et lui ont demandé d'organiser une cinquième session, tout en lui promettant que dans cet intervalle, ils auront tout fait pour dissuader le gouvernement afin qu'il soit convaincu de l'intérêt de participer au dialogue. Mm-hmm. C'est comme ça que la cinquième session, quand le gouvernement, le CNDD-FDD et leurs alliés n'ont pas pris part à la session, alors que même la date de la session avait été suggérée, mm-hmm. et c'est mentionné même dans le rapport par le secrétaire général du CNDD-FDD, et que le gouvernement l'avait dit à qui voulait l'entendre, qu'il participerait à cette session, et quand le facilitateur a remarqué que, malgré ses promesses, malgré ce glissement qui était de l'initiative du CNDD-FDD, malgré tout, ils ont brillé par l'absence, il s'est dit, il ne faut pas que je continue à être ridicule. C'est pourquoi, nous, il nous a formellement serré la main lors de la cinquième session, mm-hmm. et nous a dit qu'il va donner le rapport, et pour lui, ça sera la fin. Je reviendrai pour l'avenir, je passe une seconde, je passe d'abord chez l'autre politicien. J'ai cité Abdul Kassim, président de l'UPD Zigamibanga. Je saute un peu la société civile et je reviendrai, ne vous en faites pas. Tu as bien. Et Kassim, est-ce une fin de carrière, une fin de mandat ou carrément une démission pour le facilitateur William Benjamin Mukap? Bon, à mon avis, je crois que le facilitateur a terminé sa mission. Il a terminé sa mission peut-être au moment qui n'était pas le meilleur. Pourquoi je dis qu'il a terminé. Mais il a terminé quand même. Oui, il a terminé. Parce la mission était de résoudre la crise burundaise. Oui, c'était ça le mandat. Est-ce que la crise a été résolue? Permettez qu'il développe son hypothèse. C'était juste une parenthèse. Bon, tout le monde retiendra qu'au mois de décembre 2016, il était ici. Vous n'oubliez pas ce qu'il avait déclaré à l'aéroport. Il a dit devant tout le monde qu'au Burundi, il y a la paix, qu'au Burundi, les institutions qui gouvernent le pays sont des institutions qui sont légales, que ce soit au niveau intérieur, que ce soit au niveau extérieur. Qu'il n'y a pas de crise dedans. Qu'il n'y avait pas de crise. Et que ceux qui ne l'entendaient pas de cette façon-là, c'était des personnes... Mentalement en retard. En retard. C'est lui qui avait avoir continué le processus. Ça dénote évidemment que c'était lui qui n'était pas normal. Non. Tout simplement parce que s'il a continué, c'est parce que tout simplement, à chaque fois qu'il a convoqué une session, mm-hmm. il a donné rapport au chef d'État. Et ce sont les mêmes chefs d'État qui lui disaient de convoquer une nouvelle session. Or, la fois dernière, le 1er février, ils ont dit, OK, nous prenons acte de votre rapport. Maintenant, vous allez vous reposer, on attend. Vous attendez, nous on va réfléchir entre chefs d'État et on saura la suite. Donc il a organisé ces derniers rounds sous pression? Non. Donc après, donc le 1er février, mmh. il a donné rapport du dernier round aux chefs d'État. Mmh. Et les chefs d'État, si je regarde le communiqué final du sommet, ils ont dit, nous prenons acte de votre rapport, alors pour le moment, nous allons continuer nos consultations, on vous dira la suite. Donc, à l'IPD, vous considérez que c'est une fin de carrière, de mandat. Les chefs d'État qui l'avaient mandaté, ils ont dit, attendez, pour le moment, tu n'as pas à faire. Quand on aura terminé nos consultations, soit on va recourir à toi, soit on va recourir à quelqu'un d'autre. Ou, bon, de toute façon, attendons ce qui va sortir de leur consultation. D'après vous, il a échoué ou bien il avait une mission, hérité d'une mission impossible? Non, je ne pense pas qu'il ait échoué, parce que de toute façon, il a pu réunir des gens qui, pendant peut-être une certaine période, ne se rencontraient pas. Et cela, je crois que c'était un succès. C'est une bonne chose. C'était ça sa mission. Bon, de toute façon... C'est un pas. C'est un pas, il a fait quelque chose. Parce que échouer, il aurait échoué s'il n'aurait rien fait. Mais à son niveau, il a fait ce qu'il fallait. Il a rapproché les parties en conflit. Je me rappelle qu'au dernier, au quatrième round, on était là, il avait dressé un rapport des points de convergence et des points de divergence. Il a échoué à vous réunir au cinquième round. Là, peut-être, c'est là où il a échoué. Et là, je crois que aussi, personnellement, j'aurais aimé qu'il clôture la mission quand tous les concernés, tous les partenaires soient là. J'aurais aimé qu'il convoque une autre. Qui est responsable de cet échec? Est-ce le médiateur, est-ce le facilitateur, est-ce le centre de DFDD et vous, ses alliés? Non, on n'est pas responsable. Parce que ce n'est pas nous qui le convoquons. C'est lui qui. C'est chaque fois qu'il. C'est chaque fois on reviendra avec les défis. Son programme, il nous a toujours appelé. Et quand on est disponible, on l'a rencontré. On y reviendra et avec les défis et les barrières. Mais vous êtes suffisamment chargé pour ne pas. Mais je crois qu'il faudrait aussi revenir sur dire une chose. Moukapa n'était pas seul dans cette mission. Quoique Tassio dit qu'il était quelqu'un de. C'est au second rang. De second rang, je ne crois pas, parce qu'il avait autour de lui une équipe, et dans cette équipe-là, il y avait des représentants spéciaux de chaque chef d'État. Il y avait un représentant du président Uhuru, président du Kenya, il était avec lui, quelqu'un qui représentait le président Museveni. Dans cette équipe, il avait aussi quelqu'un qui représentait. Le Rwanda? Non, le Rwanda, il n'y en avait pas, le Burundi n'y avait pas. Donc il manquait le Rwanda, le Burundi et. La Tanzanie. Et l'Afrique. Le Burundi Soudan était représenté par tout ce monde-là. Non, comme ce sont les Burundais qui sont passés. Mais je dis bien, dans son équipe, il avait une équipe. Donc ce n'était pas moindre. Il n'était pas moindre. De toute façon, parce qu'il avait à côté, avec lui une équipe des représentants spéciaux des chefs d'État. Il n'a pas d'excuses. Pas d'excuses. Je reviendrai vers vous à un moment des défis. Je passe à la Parsem, Faustin Dikoumana. En tant que société civile, vous pensez que le médiateur a démissionné ou bien il a terminé sa mission? Moi, je dis que vous menez un débat là où il n'y en a pas. Parce que vous savez, quand la crise burundaise a éclaté, quand le sommet des chefs d'État s'est réuni, on a nommé le président Museveni comme médiateur dans la crise burundaise. Jusqu'au moment où je vous parle, le président Museveni reste le médiateur dans la crise burundaise. C'est par après que le président Museveni s'est fait appuyer, s'est fait aider par un facilitateur. Peut-être pour son agenda ou quoi. Vous vous souvenez même qu'au moment où il était venu ici à Bujumbura, il s'était fait accompagner par son ministre de la Défense, je crois, à l'époque. Quand il est venu faire les consultations préliminaires, il est venu même ici sur place pour mener les consultations préliminaires avec les politiques qui se trouvaient ici à Bujumbura. Il s'est fait par après appuyer par le facilitateur, en l'occurrence monsieur Benjamin Mkapa, l'ancien président Tanzanie. Alors c'est tout à fait normal que Mkapa, tout ce qu'il faisait, il devait donner rapport au médiateur qu'il a mandaté. Donc il ne fait que transmettre le rapport, et c'est au médiateur principal de savoir quoi, quelle suite il devait réserver à ça. Pour moi, dire que. Pour toi, le facilitateur, continue la tâche. S'il ne continue pas la tâche, je regarde le médiateur. Il peut se faire appuyer par notre facilitateur s'il veut continuer. Mais pour moi, le débat n'est pas là. Mais le médiateur n'est jamais apparu sur la scène. Quand il a mandaté, le facilitateur est responsable devant le médiateur. On n'a jamais dit que Mkapa est médiateur dans la crise. C'est un facilitateur. C'est un facilitateur. Un facilitateur n'est pas attitré comme médiateur. Donc, le médiateur reste le président Museveni jusqu'aujourd'hui. Il le disait sans embâche lui-même. Il a été président de l'initiative sous-régionale dans la résolution de la crise burundaise. Mais au moment des négociations d'Arusha, peut-être que Mkapa aussi était président de la République au moment où la Tanzanie habitait les négociations d'Arusha. C'était vraiment des hommes outillés, bien informés sur les tenants et les aboutissants de la crise burundaise. Mais dire jusqu'aujourd'hui, faut pas y aller par quatre chemins, il faut y aller directement. Le médiateur dans la crise burundaise n'a pas encore changé. Ceux qui l'appuient, les facilitateurs, on peut en changer, à modifier autant que faire se peut, mais le médiateur est encore là. Donc il n'y a pas de débat, il n'y a pas de polémique. Mais le facilitateur avait une mission quand même. la mission est la rend au médiateur. Mm-hmm. Pour moi, le médiateur n'a pas charge. Mm-hmm. Pour moi, il n'y a pas vraiment de débat profond qu'il faut mener vraiment par rapport à cette situation. Mm-hmm. Même Museveni devait, et à travers le sommet des chefs d'État, et il rendait aussi rapport pour que le sommet puisse donner des orientations. Et le médiateur, toujours, à la clôture des travaux, vous vous souvenez, M. Tassé ou Kassim, il disait, je vais transmettre le rapport au médiateur qui m'a mandaté. Lui-même, à l'époque, il n'avait pas le droit de statuer définitivement sur les cas ou les divergences qui sont manifestées au moment du dialogue. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de défi au Burundi. Que ce soit dans le domaine socio-économique, que ce soit dans le domaine politique. Mm-hmm. Mais ces défis ne seront pas résolus ni par l'EAC, ni par l'Union africaine, ni par l'ONU. Ce sont les défis qui doivent être résolus par les Burundais et même parce que ce sont des défis. Pourquoi le gouvernement a-t-il accepté la médiation? Alors, ou bien donc les Burundais n'ont pas besoin d'un facilitateur au médiateur. Si j'allais répondre à M. Tassier, même s'il n'est pas modérateur, c'était médiation. Ces facilitations ont été acceptées au moment où il y avait des difficultés évidentes. Mm-hmm. Maintenant, avant même que cette médiation, cette facilitation agisse, les forces vives burundaises ont pu maîtriser tous ces défis-là. Aujourd'hui, nous disons qu'il faut plutôt acheminer vers la conclusion de ce dialogue pour que ça ne distrait pas toujours les hommes politiques d'ici, qui continue à attendre une manne qui viendra de l'EAC ou de l'Union africaine ou de l'ONU, au lieu de s'organiser en conséquence pour proposer des solutions et des stratégies qui sont adéquates pour faire face aux défis auxquels nous voyons maintenant. Par rapport, à la crise d'avant, vous parlez des avancées que d'autres risques de qualifier de forcing. Bon, qu'est-ce que vous voulez? En matière de... Quoi qu'il en soit, quand un problème était là, quand il y avait des gens qui attaquaient les camps militaires, qui lançaient les grenades dans la rue et dans la population, et que ça a été maîtrisé, vous dites qu'il s'agit d'un forcing. Quand il y avait des agents de la police. On dirait que. Et au niveau politique. Au niveau politique. Les avancées. Les avancées, il y en a. On vient d'agréer un nouveau parti politique. Le SNR, pour permettre à tout le monde de participer. Le SNR. Nous voyons que c'est un pas en avant. Demain, il ne va même pas être autorisé à travailler sur le terrain. Tous les gens qui disaient qu'ils n'ont pas d'espace politique. L'espace maintenant, ils ont un cadre légal et ils pourraient travailler comme toute autre formation politique burundaise. Au départ, ils n'étaient pas partis par politique. Pour nous, l'avenir du dialogue inter-burundais devrait aller dans le sens de conclure et de constater en quelque sorte à nos lieux. Parce que la plupart des défis qui étaient déjà là. Qui est déjà la base du problème. Alors, je vous dirai une chose très importante. Qui détient la clé de cet avenir? Ce qui détient la clé de cet avenir, il y a le sommet des chefs d'État qui a initié ce dialogue. Mm-hmm. Ce sont eux qui doivent décréter la fin de ce dialogue. Mm-hmm. Quand notre ami ici parlait de la violation d'accord d'Arusha, peut-être pas une constitution auquel ils ont participé pour enseigner non. Et quel nom a été que vaincu. Que vous avez triché pour proclamer. Est-ce que monsieur. Attendez qu'il avance. Monsieur le juriste. Monsieur le juriste. Vous avez les preuves, les éléments probants pour montrer qu'il y a une tricherie. Surabondant. Alors, il risque de vous faire. À mon avis, je voudrais vous dire que. Est-ce qu'il veut quand, passer le temps justement on parle de président de la version de la Constitution. Il dit qu'il n'y a pas de matière à discussion. De l'accord d'Arusha. Parle d'une constitution qui a été votée par référendum. Et toutes les parties prenantes étaient déjà là, y compris M. Tassier qui a enseigné non. Et qui a été vaincu. Et qui a gagné. Il veut qu'on remplace la volonté populaire par les savoureux. Ça ne se fera jamais. On doit respecter le peuple. Merci. Parce que le peuple est souverain. Merci. On n'a pas de preuve qu'il sera gagné. Merci. Mosaïque. – peut-être que vous nous captez en cours de route, la radio que vous suivez, c'est Isanganiro, le débat en cours, c'est Mosaïque, quatre invités au plateau, Honorable Tassien Sibomana, Damizero Yabarundi, Kefani Bizi, du parti Sawane Frodebou, Nyakuri Lagiganda Daye, Abdul Kassim, Dolipede, Zigamiwanga, Faustin Dikoumana, Dola Parsem. Bienvenue toujours dans le débat Mosaïque. Abdul Kassim, qui détient la clé de l'avenir du dialogue inter-burundais? Mais ce sont les Burundais. Et même, bon, je lis ici, le dialogue, c'est Isanganiro. Le dialogue vaut. Vous lisez sur la page? Oui, sur la page. Le dialogue vaut mieux que la force. Mm-hmm. Alors. Et vous ne faites que de la force? Moi? Depuis quand j'étais venu. L'acolyte du pouvoir. Vous parlez de l'IPD. Tout ce qui est arraché par ce forcing, c'est de la force. Non. Oui. Et vous n'êtes que là pour Vous avez parlé du dialogue okay. qui vaut mieux que la force. Oui. C'est la devise de la radio Isanganiro. C'est ça. Et je crois que depuis la naissance du de la radio Isanganiro, on ne fait que ça. Mm-hmm. On ne fait que ça jusqu'à ce que vous allez dire non, c'est fini, on ne continue plus. Je crois que tous les week-ends, vous avez tous les acteurs politiques qui sont sur Radio Isanganiro pour dialoguer. Mm-hmm. Donc le dialogue, ça n'a pas pratiquement. Dans ce sens. Le dialogue, ça n'a pas pratiquement de fin. Non, écoutez, le dialogue inter-burundais qui a été lancé à l'extérieur du pays, est-ce que ça a un avenir? Je crois que si tant si on lui donnait cette radio, je crois que tout le monde fuirait le pays. Mais je crois que c'est. Tu n'as pas le droit je de. Je ne suis pas toi, moi. Je ne suis pas si. Mais je crois que tu n'as pas le droit d'insulter les gens. Laisse-moi que moi je suis éduqué. Je ne suis pas de cette éducation. Mais de toute façon, tu dois savoir que. On a un sujet bien déterminé. De toute façon, tu dois savoir que. Il faut considérer. Est-ce que c'est lui qui détient le dialogue inter-burundais et qui voit cette émission que nous sommes en train d'animer? Je risque de croire que vous n'êtes pas sérieux. Est-ce que c'est lui qui détient la clé pour l'avenir du dialogue inter-burundais? Ah, c'est ce qu'il croit. Ah, qui détient donc la clé? Moi, j'ai dit les Burundais. Parce que le Burundi ne sera pas construit par une force extérieure. Mm-hmm. Ce n'est que la force des Burundais qui va construire le pays. Mais tous les Burundais, non? Est-ce que les Burundais, oui, tous les Burundais. Est-ce que les Burundais. Qui le veulent, bien sûr. Est-ce que les Burundais auront besoin. Parce qu'on ne va pas forcer, personne. Est-ce que les Burundais auront besoin aujourd'hui d'un facilitateur au milieu? Pour le dialogue. S'il estime nécessaire. Mm-hmm. Mais je crois que aujourd'hui, là où on en est, lorsque en 2016, lorsque le sommet des chefs d'État de l'EAC mm-hmm. avait décidé qu'il y ait une médiation, je crois qu'il y avait une situation qu'on avait au Burundi. Au niveau intérieur. Je crois que aujourd'hui, la situation de 2016 est décantée. Est totalement différente. Mm-hmm. Totalement différente. Sur tout l'étendue du territoire. La situation de 2015 n'est pas la situation d'aujourd'hui. Ça, c'est un. De deux, comme je le disais lui-même, le facilitateur, quand il est venu ici au mois de décembre en 2016, ce mm-hmm. qu'il a déclaré, ce n'est pas moi qui l'ai demandé de le dire. Il n'y avait pas de cordes autour de ses bras. Et ce qu'il a déclaré le 1er février, qu'est-ce que vous en dites? Mais ça veut dire que. Parce que c'est lui toujours qui parle. Ça veut dire que quand il a dit qu'en 2016, qu'il n'y avait plus de crise, que les institutions étaient là, vous pensez. Probablement que tu étais là. Vous pensez qu'en 2019, ce n'est plus le moment donc d'y revenir. Parce que c'est lui-même qui a dit. Qui pensez-vous alors de son rapport? Et comme disait mon frère ici, mm-hmm. Mukapa a été mandaté par un sommet des chefs d'État. Mm-hmm. Et ce sont ces chefs d'État à qui il donne rapport. N'est-ce pas? Et les mêmes chefs d'État lui ont dit, voilà, nous prenons acte de votre rapport. Et si vous étiez le regard sur le contenu de ce rapport, justement, oui. Vous pensez qu'il y a de l'avenir pour le dialogue inter-burundais? Si je regarde son rapport, je crois que ça n'a plus de... Il n'y a plus de matière. Donc c'est... Parce que, bon, je peux partir des points de divergence dont on trouvait que c'était vraiment les points de divergence à la quatrième session de dialogue. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y avait comme proposition? Et c'est ce qui est revenu dans ce rapport du 1er février. Il parle de des institutions de transition. Est-ce qu'aujourd'hui, à quelques mois des élections, il y a raison de parler encore d'une transition? Quand est-ce qu'il y a opportunité de transition? Est-ce qu'il y en a? Moi, je ne vois pas cette opportunité de transition. Quand est-ce qu'il y en a? Du moment où tout le monde reconnaît qu'aujourd'hui, les institutions qui gouvernent le pays sont des institutions qui sont légitimes, qui sont légales. Ce n'est pas opportun. Qui sont aussi opérationnelles. Donc, il n'y a pas lieu de parler de transition, des institutions de transition. Le deuxième point de divergence, c'était de une amnistie pour toujours la même chose pour les crimes du passé. Lisez au moins le rapport pour les putschistes. Tu as le rapport? Oui, je l'ai lu. Il y a 11 points de divergence. Vous ne citez que deux. Je ne sais pas d'où vous tirez cette information. Permettez qu'il cite au moins les deux. Parce que le ZNDDF a dit deux, vous citez toujours deux. Non, j'ai 11 points. Le rapport est ici. Soyez au moins honnête. Je ne suis pas du ZNDF, moi. Tu es plus. Non, il n'est pas du ZNDF. Il est de l'IPD. Tu es plus militant. Non, tu es dans quel parti toi? Il est de l'IPD. Lui, il est dans quel parti aujourd'hui? Je ne suis pas obligé d'être membre d'un parti politique, non? Oui, il est de la coalition. Même si vous voulez les traiter différemment. Permettez qu'il avance. Non. Parce que maintenant, je vais remettre la parole. C'est-à-dire, lorsqu'il nous a présenté à Arusha les points de divergence et les points de convergence, il nous a présenté, nous, on a essayé de regarder ce document. Et on a constaté qu'au finish, il n'y avait que ces deux points de divergence. Le deuxième point, c'était la question d'amnistie. N'est-ce pas? Alors, dans quelle partie du monde on ne punit pas? Dieu a été le premier à punir Adam. Et pourtant, il n'était pas nombreux. Est-ce que tu es sérieux de vouloir punir? Donc vous voulez... on a tellement de criminels. Donc vous voulez dire que. Vous voulez dire que donc c'est. C'est de soutenir l'impunité contre l'impunité. Moi, je lutte pour les... Ou la lutte contre l'impunité dans un seul sens. Tu voudrais qu'on... Si on ne t'a pas encore puni, c'est ça. Peut-être qu'on ne l'a pas encore... Je laisse les acteurs politiques de côté. Tu as le droit de me punir. Tu peux le faire. Permettez. C'est la loi qui... Permettez qu'on avance. Je ne vais pas vous punir. Faustin, quel est l'avenir du dialogue inter-burundais? Aujourd'hui, ces deux points-là, je crois que ça ne peut pas nous empêcher de participer aux élections de 2020. J'avance vers Faustin. Bon. Les autres points, c'est une question de transcription. Permettez qu'on avance, M. Kassim. Oui, on est à la passée. Et bon, d'abord, moi, je voudrais d'abord donner un conseil à mes amis hommes politiques. Normalement, un homme politique, un vrai homme politique gère l'avenir. Un homme politique doit gérer l'avenir. Ça veut dire qu'il faut que tout comportement, toute mesure qu'il adopte, qu'il prend, ait des répercussions positives même dans l'avenir. Le Burundi, depuis 2015, a eu une crise politique qui a eu des répercussions sécuritaires. On l'a vu ici, il y a eu des milliers de réfugiés qui sont à l'extérieur et qui sont encore à l'extérieur. Donc, quand il y a une crise politique, on doit la résoudre sur des aspects. Il y a d'abord, oui, tout gouvernement, tout responsable politique, il y a la phase sécuritaire, militaire, de rétablir l'ordre. Ça, c'est tout à fait normal. Mais la seule ne suffit pas. Parce qu'il y a l'aspect crise politique, c'est-à-dire les raisons profondes du déclenchement de ces crises. Même si dans le passé, on a eu des problèmes, c'est que des fois on privilégiait l'aspect militaire, policier, l'aspect rétablissement de l'ordre, sans vouloir s'attaquer. C'est la première piste. Voilà. Sans vouloir s'attaquer sur les vrais problèmes. Maintenant, on a vu que la crise de 2015 a eu comme cause la divergence sur certains textes qui sont tout son fondamentaux. L'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation et la constitution qui en découle. Donc, cette divergence est très fondamentale au niveau de la société, au niveau de la classe politique, pour le recouvrement de la cohésion. Donc, jusqu'à maintenant, je me dis que si on doit organiser les élections dans 2020, les élections dans la logique même de la constitution, de quoi les élections sont organiser un intervalle de 5. C'est quelque chose qui est connu depuis. Cela veut dire que il faut voir plutôt qu'on n'organise pas des élections, alors que le contentieux, alors que les problèmes politiques qui sont à la base de ces soubresauts que le Burundi a connu très récemment, voir si vraiment ces questions ont été vidées. C'est ça ce que doit gérer l'homme politique. Pour justement protéger les générations à venir d'éventuelles encore crises qui pourraient surgir. Vous parlez de la crise, il y a d'autres qui ont parlé aussi des avancées politiques. Les avancées politiques, là, je n'en vois pas. Plutôt, je vois, il y a eu des avancées au niveau sécuritaire. Sécuritaire, c'est le rétablissement de l'ordre. Même dans le passé, quand il y avait des crises, l'armée pouvait intervenir, rétablir l'ordre. Même les chefs d'État qui ont fait face à ces crises disaient après, la paix est retrouvée. Mais le contentieux, les questions fondamentales qui sont à la base de cette crise, c'est cette question que l'homme politique est appelé plutôt à trouver solution. Si l'homme politique est dans l'opposition du pouvoir, c'est justement trouver solution, vider ces questions pour que la cohésion nationale soit retrouvée. Alors, qui détient la clé maintenant de l'avenir de ce dialogue inter-burundais? D'abord, au niveau de la ce sont d'abord les Burundais qui doivent être conscients de cette nécessité de recouvrement de cette cohésion, parce que nous devenons de plus en plus la risée ici de tout le monde dans la sous-région. Les négociations d'Arusha qui devaient trouver solution en contentieux viennent de trois décennies. Depuis de trois décennies, a été résolu de 98 à 2000. Mais imaginez-vous cette crise burundaise de 2015, on arrive à 2019 sans solution. Il y a quelque part une introspection à faire. Quatre ans. Je reviendrai avec la solution. Maintenant, j'avance vers l'honorable Tatien. Qui détient la clé maintenant pour l'avenir du dialogue? Permettez que je revienne un petit peu. Je ne serai pas long, parce que monsieur Faustin l'a si bien résumé. C'est malheureux de l'entendre à longueur de journée qu'il n'y a pas crise, que même la semblable crise. C'est aussi malheureux d'entendre qu'il y a crise. C'est malheureux parce qu'on ne l'a jamais souhaité. Mais c'est plus malheureux que tu sois malade, mais que tu continues à nier que tu n'as souffert de rien. À nier la maladie. Ça veut dire que vous vous empêchez de consulter le médecin alors que vous souffrez terriblement. Deuxième aspect, c'est déplorable. Le Burundi sent la crise, ou du moins les conséquences de la crise. Mais c'est ces hommes politiques, ces vertus à dire qu'il n'y a pas crise. Je défie quiconque parmi ceux-là qui le disent. Je suis parmi ceux-là, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas crise. Je parle d'un petit rien. Vous sentez combien le poids des contributions de toutes sortes est une des grandes manifestations de la crise. Et pourtant, les gens, cela coule douce, en croyant que les gens ne souffrent pas des contributions. Et vous pensez que les gens ne peuvent pas contribuer pour notre travail. Je vous réfère au code du travail. Il y a une partie non saisissable et non cessible que l'employeur doit protéger pour la survie de l'employé. Est-ce que maintenant, peut-on nous rassurer que l'employé burundais jouit de ce droit à voir le nombre de contributions? La fois passée, je causais avec quelqu'un qui est du CNDD. Il y a au moins 7 sortes de contributions. Les gens ne le savent pas. Vous croyez qu'ils touchent des salaires qui peuvent vraiment être à mesure de supporter ce poids? N'est-ce pas une conséquence de la crise? Deux, ça c'est un petit exemple qui risque d'être ignoré par la majorité de ceux qui nous dirigent. Et pourtant, les dirigeants le sentent. Mais ils sont terrorisés, ils n'osent pas le dire, monsieur. Et vous voulez dire qu'il n'y a pas d'avancée, en fait? Non, ça c'est un petit exemple. Au niveau politique, Faustel a dit, le conflit se trouve au niveau de l'importance ou de la non-importance de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Il y en a qui le disent, c'est pas une vérité d'évangile, c'est pas la Bible. La fois passée, j'étais avec M. Rosovio, qui se dit membre d'un autre parti comme les autres. Il n'est pas au plateau maintenant. Je sais de quoi je parle. Je donne un exemple, mais je ne peux pas parler de ce qu'ils le disent. Ils sont en train de le dire directement. Mais la crise qui a engendré des conséquences multisectorielles, je dis bien multisectorielles, et qui continue maintenant, économiquement. Si ces gens continuent à dire que nous n'avons pas besoin d'aide budgétaire, allez-y comprendre que nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes. Est-ce qu'on a cette aide budgétaire existe? La coopération, est-ce que le Burundi n'a pas besoin de la coopération bilatérale et internationale? Est-ce que vous pensez qu'il y a un pays qui n'en a pas besoin? Eh bien, est-ce que nous l'avons? Pourquoi nous ne l'avons pas justement? N'est-ce pas une conséquence de la crise, monsieur le journaliste? Est-ce que socialement, les Burundais, nous ne sentons pas le poids de la crise? Humanitairement, les gens qui sont en exil, est-ce qu'ils ne sentent pas? Est-ce que les dirigeants ne sont pas conscients des conditions de vie de ces gens? Est-ce que les gens qui ont été emprisonnés suite à la crise, est-ce que réellement vous continuez à chanter qu'il n'y a pas de crise, qu'il n'y a pas d'effet, qu'il faut vraiment... Ça, ce sont des exemples. Il faut est-ce que vous voulez avancer sur la crise? Je peux en énumérer jusqu'à l'éternité. Parce qu'on va bientôt terminer le... Voilà. La clé du problème, ça se trouve à deux niveaux. D'abord, c'est les Burundais d'abord, à commencer par les dirigeants, qui doivent s'en convaincre qu'à être un bon dirigeant, c'est se soucier des bonnes conditions de vie à tous les niveaux de tes dirigés. Ce sont les Burundais. Ce sont d'abord les dirigeants burundais. Les dirigeants. Les dirigeants, parce que ce sont eux qui doivent veiller tous les aspects, aux intérêts de la... Vous ne pensez pas que vous voulez dédouaner l'opposition? L'opposition a une responsabilité, certes, mais moindre par rapport au parti au pouvoir. Et ça, c'est une vérité internationalement reconnue. L'autre parti qui détient la clé du problème, la clé de la solution, c'est le sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. C'est le sommet, je dis bien. Parce que le sommet, sur le principe de la subsidiarité, principe reconnu en matière de droit international, a dessaisi les Nations Unies et l'Union africaine, organisation ayant l'obligation de faire asseoir la paix et la sécurité à travers le monde, elles ont été dessaisies par la sous-région pour dire on vous décharge, mais on va agir en vos lieux et places. Maintenant alors, si ce sommet, ça vous vaincu, si ça vous incapable, le sommet se désengage, c'est à ses risques et périls. D'abord, ils auront démontré que la communauté ne vaut pas la peine, parce qu'ils auront violé le traité lui-même, portant création de l'EAC. Ils auront fragilisé la communauté de l'Afrique de l'Est à outrance, et ils se seront fragilisés eux-mêmes. Et s'ils prouvent que les baillés proviennent du Burundi? Et partant, les Nations Unies et l'Union africaine seront-elles obligées d'être défaitistes au même pied d'égalité? Je ne suis pas sûr. Donc, je pense que les deux parties, partie burundaise, comprenez par là d'abord les dirigeants, l'opposition dans une certaine mesure, moindre, et le sommet des chefs d'État, ce sont les principales parties qui détiennent la clé du problème. Merci, je vous dis, l'Union africaine et les Nations Unies ne seront pas, je le pense bien et je le souhaite, ne seront pas aussi défaitistes que la souris. Merci. Je termine le débat par un tour de table et sur des propositions pendant 1 minute et 30 chacun. Kefane Ibis, proposer des solutions, des pistes de solutions pour la survie du dialogue inter-Burundi. Bon, excusez-moi de d'abord passer en revue certaines propositions. Vous allez gérer 1 minute et 30 dans tout pas ça. Pas de problème. Je suis étonné que notre ami qui représente une coalition représenté au Parlement et au gouvernement, pense que la question des contributions énormes, la question de besoin ou pas de coopération, doit être traitée par l'IAC. Alors qu'ils sont représentés au Parlement, ils sont représentés au gouvernement. Je disais que ce sont les conséquences de la crise. Que vous reniez. Au lieu d'évoquer ce genre de questions dans les institutions auxquelles ils sont représentés, je me dis si réellement ils sont conscients de ce qu'il faut. Je vous ai dit que les problèmes burundais. La constitution qui est évoquée souvent a été analysée au gouvernement dans lequel la question mise en Burundi est représentée. S'ils n'ont rien dit, de peut-être des places, qui n'évoquent pas de problème à l'IAC, qu'ils soient responsables d'eux-mêmes. Alors, ça veut dire que ce que je voudrais dire, Avant de dire ce qu'il faut faire pour nous, notre formation politique a une vision d'abord pour le Burundi maintenant, qui sont répartis en deux axes. Le premier axe. Ils ne sont pas venus. Ils attention, attention, ne faites pas la propagande. Non, je vais, à la limite, ne recrutez pas les gens qui sont ici. Je répondrai à la lumière de notre conviction. Exact. Notre conviction est qu'il faut d'abord une paix durable. Nous avons la paix. Tant que nous n'avons pas encore une paix durable. Deuxièmement, il faut une lutte contre la pauvreté et le chômage. Alors, ce qu'il nous faut maintenant, ce que vous avez évoqué, répond à la fois dans le domaine de la paix durable. Ça veut dire que les institutions burundaises et les Burundais doivent prendre conscience. Notre ami a parlé d'un dialogue. Ici, le dialogue peut être organisé en dépit même de la communauté internationale pour que tous ces réfugiés-là qui sont excédés et reviennent parce que à la fois, de qui avoir des réfugiés, ça constitue à la fois un mauvais indicateur et en même temps une menace. Ça veut dire qu'il faudrait que nous, les Burundais, fassions tout ce qu'il faut faire pour que tous ces défis-là qui ont été évoqués par tout le monde qui est ici soit résolu par le Burundi eux-mêmes. Parce qu'il faut faire preuve. Mais le fait d'avoir confié cette émission au sommet, ça veut dire que le Burundi. J'ai toujours expliqué que les enjeux du moment où le sommet des chefs d'État et a été impliqué ne sont plus. Les questions qui restent, comme Foster a dit, on a maîtrisé la situation sur le plan militaire. Il faut maintenant. Pourquoi ces gens vont prendre ce qu'ils veulent? Vous avez une parce que vous avez des gens qui vont avancer. Vous n'avez que 20 secondes. Ça veut dire que pour maintenant résoudre ces questions fondamentales, on n'a pas toujours besoin d'appeler d'autres personnes de venir. On peut toujours s'asseoir ensemble, soit dans le format des partis politiques, soit Mais Faustin, que vous citez, a parlé des réfugiés aussi. Est-ce que vous pensez que les Burundais sont capables? Vous allez ajouter quelques secondes que vous me prenez. Il faut faire des précisions pour les auditeurs. Oui. Vous parlez des Burundais et même dans le dialogue. Est-ce que vous pensez qu'ils sont capables de mobiliser même ceux qui sont des réfugiés pour le dialogue? Est-ce que vous pensez qui va mobiliser ces réfugiés? Si ce ne sont pas les Burundais qui appellent les confrères, vous pensez que c'est la communauté internationale qui les amènera ici chez nous? Le lendemain, vous êtes appelé au ministère pour signer des histoires. Qui vont échanger que vous avec qu'on les homologues qui sont à l'extérieur pour trouver des voies et moyens pour qu'ils rentrent. Donc il ne faudrait pas toujours tourner les yeux vers l'étranger, il faut que nous saisissons nos responsabilités. Voilà. Kassim Abdoul, que faire une minute 30? Bon, ce qu'il faut faire, c'est... C'est qui ferait quoi pour que le dialogue inter-burundais puisse survivre avec succès? Oui. D'abord, je dois d'abord dire qu'en 2015, je crois qu'il y a eu peut-être des plaies. Aujourd'hui, lesquelles plaies, il ne reste que des cicatrices. Ah bon? Les plaies sont guéries. Les plaies sont guéries. Sont cicatrisées. Il y a des cicatrices qui sont peut-être là, mais je crois qu'il n'y a plus de plaies. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les solutions pour l'avenir? Je crois que la première chose, les Burundais. Entre-temps, les réfugiés sont toujours à l'extérieur. Il n'y en a que faire. Ce sont les cicatrices. Vous croyez qu'ils sont sensibles à ce de ces gens? Ils sont en train de rentrer. Sont en train de rentrer. Alors, que faire maintenant, concrètement? Alors, je crois que la première chose, c'est que tout le monde, a commencé par nous-mêmes, nous qui sommes ici, a commencé par notre partition, que tout le monde se sente qu'on est appelé à stabiliser notre pays. Il faut que notre pays soit stable. Vous êtes des troubles faits. Permettez qu'on avance. Il faut que le pays soit stable. La deuxième chose, il faut que les Burundais on apprenne à avoir confiance à nos institutions, à nos dirigeants. Et le jour où on... La confiance, ça se mérite. Ça veut dire quoi? Oui, ça se mérite, aussi, je suis tout à fait d'accord. Non, vous dites mais il faut avoir confiance. Pas non plus. Il ne faut pas forcer pour solliciter la légitimité. Permettez, honorable. Vous avez dit qu'il faut faire confiance. Disais, mon ami. Permettez, honorable. Vous avez dit qu'il faut faire confiance à nos dirigeants. Ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que un pays... Bon, je ne vais pas aller dans les définitions concrètement, État. Mais je crois que chaque État a des institutions qui sont responsables de tout le fonctionnement du pays. Alors c'est là où je dis qu'on doit apprendre à avoir confiance à ces institutions. C'est comme si vous avez l'impression qu'il y en a qui n'ont pas confiance aux institutions. Bon, attendez ce qu'il dit, Tassien. Peut-être sur le micro. Qu'est-ce que je dis? Alors, parce que à chaque fois, je sais ce que je à chaque fois que les gens n'apprennent pas à avoir confiance à leurs dirigeants. Mais tout ce qu'on pouvait faire, on fait de bien, ça devient mauvais. Et je crois que nos politiques devaient changer. Trouver que ce qui est bon est bon. Et ce qui est mauvais aussi. Qui est mauvais, qu'il soit mauvais pour tout le monde. Mm-hmm. Et ce qui est bon, soit bon pour tout le monde. Mm-hmm. Et là, je crois que c'est là où on aura maintenant des contributions à faire. On dit ça, c'est pas correct, il faut faire ça. Mais si on doit seulement dire non, non, non, tout noir, noir, noir, noir, du matin au soir, donc là, ça ne peut pas marcher. Mmh. Alors là, l'autre chose, c'est que pour le moment... Est-ce que tout marche à merveille selon Et si on disait aussi que tout est bon, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça sera bon pour autant? Ça ne sera jamais bon très bon sur la terre. Ça serait un paradis. Ça, c'est pas un paradis. Honorable Tassim. Mais la dernière chose, c'est que j'allais dire que il faut mettre pour le moment, il faut que tous les acteurs, on se prépare, on ait les yeux tournés vers les élections de 2020. C'est ça. Vous avez terminé la minute 30. Ok, je commence par là où il termine. Une minute 30. Il ne faut jamais penser que les élections en soi s'autosuffisent pour faire asseoir la paix et la sécurité dans le pays, quel qu'il soit, ou quel qu'il soit. Mais c'est ce n'est pas une fin en soi. Non, c'est pas. Mais c'est un moyen. Parce que j'ai dit, c'est un des moyens d'affaire asseoir la démocratie. C'est mais important. Mais c'est très important. Les élections doivent être préparées pour justement arriver à faire asseoir ce que le peuple attend des dirigeants. Doivent être préparées. Correctement. De façon à permettre une compétition loyale, inclusive, paisible. Et dans ce sens, il y a déjà des avancées que Kefa a évoquées. C'est Kefa qui le dit. Votre parti. Moi, je n'en vois pas. Aussi longtemps que toutes les lois sont votées de façon unilatérale. C'est ce que je dis. Donc, aussi longtemps qu'il n'accepte pas que la crise de 2015 est encore latente, est encore là, et que ces conséquences sont encore très préjudiciables au peuple burundais, ils ont raté le virage. Est-ce que vous ne pensez pas que vous ne marchez pas, que vous marchez sur place? Je saurais tranquilliser si je disais le contraire de ce qui est réellement. Est-ce que les lois n'ont pas été préparées dans la même logique que les élections de 2015? La CENI n'a pas été mise en place dans la même logique. Moi, je serais content de voir notre voir candidat en 2020, candidat président, et de voir quel résultat. Est-ce que tu as besoin de ma candidature? Tu as déjà des candidats, notamment. Alors, c'est pour vous dire que. Non, ce qui m'intéresse, c'est le résultat que tu auras. Nous considérons que les élections. Pas m'intéresser. Nous parlons des élections à venir, peu importe la date. Les élections, si elles sont bien préparées, pourrait constituer une sortie de crise, au moins dans un avenir proche. Mais si elles sont préparées dans cette logique de forcing, d'exclusion... Mais qui devrait préparer ces élections? Tous les Burundais, tous les hommes et femmes politiques, tout au moins. Se faire la bonne conscience que ce qui s'est passé en 2015 ne va pas être réédité en 2020. Est-ce que c'est ça le cas? Est-ce que vous avez confiance aux institutions en place? Je vous dis, monsieur, la question est tendancieuse. La confiance se mérite. Il y a d'abord la façon dont les dirigeants ont été mis en place. Il y a la façon dont les dirigeants accomplissent leur devoir envers les citoyens. Et si demain, vous nous convoquez pour faire l'évaluation de toutes ces étapes, je saurai quoi vous répondre. Merci beaucoup. Je termine par Faustin de la Parsem. Est-ce qu'il y a une solution que vous pouvez proposer en 1 minute 30? Moi, j'interviens sur trois aspects. Et d'abord, ce qui m'étonne, c'est l'inconscience de part et d'autre de la classe politique sur la situation. L'inconscience? Devant la situation. Vous ne pensez pas injurier des gens ici? Non. D'abord, de la part de la classe politique au pouvoir. Je dois dire que les indicateurs et les conséquences d'un pays en crise politique sont encore là. Quand un homme de la classe politique au pouvoir dit que tout va bien, que c'est normal, moi je suis inquiet. Vous voulez parler de qui? Si on veut, non, si on analyse le comportement des hommes de l'opposition, les divisions qui les minent, les spéculations, les quoi, on s'imagine, est-ce qu'eux aussi, ils ont vraiment un agenda de long terme pour remettre le pays sur les rails? Ça, c'est une question. Donc, c'est ce qui nous écœure, nous, au niveau de l'action citoyenne. Deux, je suis sceptique vraiment par rapport à l'efficacité de l'Union africaine et des Nations unies pour résoudre la crise burundaise. Vous êtes vraiment sceptique. Est-ce qu'il y a une proposition? Je suis sceptique par rapport à cela. La proposition, d'abord, c'est que le Burundi doit faire conscience. Parce que ce qui m'écœure encore une fois, c'est que les Burundais ont toujours oublié de mettre dans l'analyse ce qu'on appelle la géopolitique dans la crise, dans toute crise. Parce que les intérêts économiques, la pesanteur économique dans un pays ou de quoi, a une signification pour intéresser le monde dans la résolution d'une crise politique. Je l'ai averti. Vous plaidez pour le réveil de la conscience. En Burundi, le Burundi, qui représente, ce sont des chiffres, qui représente 2% du territoire de l'East African Community. Et de surcroît endetté. Moins de 10% de la population totale de l'East African Community, avec 70% de la population à qui vivent en dessous de ces deux pauvretés. Moins de 0,1% du PIB total de l'East African Community. Le Burundi est toujours considéré comme une quantité négligeable. Avec même cette situation de cotisation lourde qui ne tienne pas compte des capacités de chaque pays. C'est ça, le East African Community, avoir toujours de temps à réserver à un si petit pays qui a adhéré, de surcroît. Vous n'avez aucun espoir de survie de notre pays. Si les Burundais, s'il n'y a pas de sursaut national, le Burundi c'est une quantité négligeable par rapport même aux chiffres. L'enjeu de l'intérêt économique. Les pays de l'East African Community aujourd'hui, la Tanzanie, le Kenya, ils sont dans un rendez-vous d'émergence. Donc, si le Burundi, les Burundais, nous ne sommes pas conscients pour donner cette chance à ce que cette médiation puisse nous aider. En étant conscient de la situation de notre pays, je dois vous dire que ce n'est pas le Burundi qui va vraiment continuer à déranger ces pays et que ces pays pourront y réserver vraiment une attention. Est-ce que pour terminer, vous avez une minime note d'espoir? Minime soit-elle. Si les Burundais, classe politique de toute tendance, opposition et pouvoir, s'ils ne sont pas conscients de cette situation de notre pays, cette minimisation de notre pays par rapport à cette crise, hein? Vous savez, je dis, quand on a perdu la crise burundaise, vous voyez qu'on commence à y réserver une suite vraiment d'un exemple, comme je l'ai dit. Le gouvernement a insisté sur la résolution de la crise Burundi-Rwanda. On a minimisé. Même le Rwanda et le Burundi, en même temps, devant l'East African Community, sont des petits c'est pays. C'est une des conséquences de la crise burundaise. Dans cette situation, si les Burundais eux-mêmes ne prennent pas conscience, je dis de prendre le taureau par les cornes pour résoudre la crise et accepter cette médiation dans le sens qu'elle vient leur aider d'avancer, de mettre le pays sur le rail pour qu'il soit vraiment respecté. C'est vraiment au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Faustin Ndikumana. Vous êtes représentant légal de la PARSEM. Je vous remercie d'avoir répondu présent à l'invitation de Mosaïque. Je vous remercie. Merci aussi à l'honorable Tassien Sibomana, porte-parole de la coalition Amizero Y'Abarundi. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de Mosaïque. C'est moi qui vous remercie et je fonde de l'espoir pour moi. J'ai de l'espoir parce que le Burundi, nous ne sommes pas un palliade de toutes les autres sociétés. Merci beaucoup. Merci à Kefani Wizi, président du parti Sawanya Frodebu, Nyakuri Iragi Yandadaye. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de Mosaïque. Merci vous aussi qui nous ont invités, mais aussi il faut que je termine en disant que les Burundais doivent toujours avoir de l'espoir parce que nous avons un avant meilleur. Merci beaucoup à Abdul Kassim, président de l'IPD Zigamibanga. Vous avez répondu présent à l'invitation de Mosaïque. Je vous remercie et je pense que les Burundais, s'ils prennent leurs responsabilités devant l'histoire, je crois qu'on va avancer correctement. Merci à toi, Médard Niyonguru, qui a su réaliser le débat. Merci à tous. et M. Toussaint Mitebussi pour la mise en onde, Jérôme Nyonzima qui modérait le débat. Je vous remercie également vous qui avez suivi avec intérêt notre débat. À la prochaine. Mosaïque.